avec ou sans expérience. Voire selon le profil. Contactez Monsieur Oliveira au 06 59 74 21 01 ou au 02 38 76 40 86. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour. Et oui, ça faisait un sacré temps quand même qu'on n'était pas venu. Semaines, trois semaines. Je pense que ça fait trois semaines, je pense. Plus tard, ça fait trois. Vous nous avez un peu manqué de la radio. Je pense que vous nous avez plus que manqué là. Aujourd'hui, on se retrouve, pour une émission assez spéciale, avec un thème spécial qui est le carnaval. Car oui, qui dit Mardi Gras, il n'y a pas longtemps, qui dit les fêtes, il y avait le carnaval de Jargeau, ou je ne sais pas c'était quand. C'était Mardi Gras, c'était le 3. C'était le 3 mars, je crois. Du coup, plein de choses qui sont faites, le carnaval au Brésil, le carnaval en Espagne aussi, un peu partout, où il y a des grands chanteurs brésiliens qui chantent un peu partout dans les rues. Voilà, donc on va parler essentiellement du carnaval. Voilà, et on a décidé de ramener le carnaval à nous, donc avec la musique. Ce matin, ça va être tout dynamique. On va écouter de la musique assez réveillante. Ah oui, pour bien se réveiller le matin à 9h. Voilà, et après on reparlera un peu de petites anecdotes du carnaval. Et aussi, aujourd'hui, c'est une journée spéciale car c'est la journée de la femme. Ah oui, c'est vrai. Donc, petite surprise sur ça, on vous en dit pas plus, mais soyez à l'écoute pour savoir quelle est notre surprise. Eh oui. Et tout de suite, on va se plonger dans le Brésil avec la musique Samba do Brésil. Quero ver você dançar.

Et on va continuer avec une petite dédicace de la part de Maria Moutineau. Elle nous a fait une petite dédicace pour la journée de la femme. Donc, c'est pour toutes les femmes du monde. Elle les encourage qu'elles soient fortes, qu'elles ont la volonté de se battre aujourd'hui et tous les jours. Elle leur souhaite une très bonne journée de la femme et leur fait des bisous. On lui souhaite aussi une très bonne journée de la femme. Oui, une très très bonne journée de la femme. Et pour ça, elle a souhaité écouter la musique de Daniel Henriquez, celle qui est sortie il y a 3 semaines exactement, Sabalo do Merengue. On écoute ? On écoute. Merci énormément pour cette belle dédicace, Maria Moutineau. Du coup, pour la journée de la femme, je souhaite une très très belle fête parce qu'on est des femmes fortes, on s'est battues pour nos droits. Et voilà, aujourd'hui c'est une belle représentation, on se bat chaque jour pour des choses que des hommes ne pourront jamais comprendre, ce qu'on vit. Et je pense qu'on mérite vraiment vraiment cette fête qui nous appartient et qui nous appartient à toutes. Donc, on est très fiers de vous. Voilà. Et on vous encourage toutes. Même si c'est dit que tous les hommes, non, pas tous, hein, mais... Il y a des douleurs que vous connaîtrez jamais, malheureusement. Ça, c'est sûr. Et on est très fortes pour ça. Voilà. On vous encourage, on vous souhaite une très belle journée. Voilà, très très bonne fête à vous et on est des warriors. Voilà. On continue dans le Brésil avec O Mundo Vai de Ivete Sangalo. De la part de Manuela. Elle a souhaité mettre une musique de Kalima qu'elle va aller voir très prochainement, dans quelques jours, on peut le dire même. Et donc pour ça, on va écouter une musique de Kalima, Alice. Alice, Alice, meu amor. Só uma vez, só

Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso, bye, pasa lindo. Yo te vi bailando lindo, me bailita fuerte la esquina, tú y el par de bocinas y todos llegarán por el ritmo. Nothing. que se venga, haría todo para conquistarla. Que se olvide la pena, mami, deja el estrés. Que donde bailan uno pueden bailar tres. Hasta bien, ¿qué tú crees? Bailemos duro al derecho al revés. Rápido, lento, suave, también duro. Bailemos duro, tú y yo en lo oscuro. Dice lento, lento, rápido, seguro. Bailemos duro, tú y yo en lo oscuro, mamá. J'espère que chez vous, vous êtes en train de danser le kuduro. Ah bah j'espère oui. que vous êtes en train de vous amuser, danser, comme ce soir, ce qu'on va faire à l'espace Radio Arc-en-Ciel. Enfin, ce soir, ça va être énergique. On espère que vous allez tous danser sous Capa Negra. Tout à fait, et sous plein d'autres musiques. Vous allez bien vous amuser et très bien manger. Très bien manger. Avec une bonne paella. Tout à fait. On va vous parler un peu du carnaval. Bon, désolé, on vous a coupé dans votre musique Kudolo. Mais on voulait vous parler un peu du carnaval et des traditions qu'il y a eu et des petites anecdotes que Philippa va nous raconter. Eh oui. Alors, ce matin, ma mère m'a raconté une anecdote. Quand, mes parents ont habité dans un premier temps au Portugal et ont vécu toute leur enfance au Portugal. Et du coup, les petites traditions du Portugal, du carnaval, est-ce que c'est les mêmes, qu'en France, les petites traditions du carnaval? Et du coup, ma mère m'a raconté ce matin que lorsque, dans son petit village, en fait, il y avait du coup, on t'écoute. Excusez-moi. Un peu perturbé. Du coup, il y avait des marchés, exprès carnaval ce jour-là. Et du coup, en fait, c'était très très joli. Il y avait des confettis partout. Enfin, c'était comme on imagine. Vous savez les marchés portugais où il y a des habits à manger, etc. Oui, donc les grands marchés. Voilà, c'est ça. Le petit. Alors, nous, à Espigne, je crois que c'est le lundi matin. Le lundi matin, il y a un grand marché qu'on allait et tout. Et donc là, ils le font spécialement pour le carnaval avec plein de confettis. Est-ce qu'il y a des chars aussi qui passent Non, avant, c'était, il n'y avait pas vraiment de chars. C'était surtout que des confettis parce que c'était vraiment dans des petits villages. Et à l'ancienne, c'était quand même assez pauvre. Et du coup, en fait, elle m'a raconté qu'à la fin des marchés, les garçons, qui étaient le plus souvent célibataires, prenaient des bouteilles remplies d'eau et allaient mouiller les filles. Et il y en a d'autres qui versaient, du coup, des farines sur ces mêmes filles qui sont mouillées. Et du coup, elles finissaient toutes sales, enfarinées, toutes collantes. Donc, et, Philippa, vous savez très bien comment, à quoi va ressembler ce soir. Elle va être plein de farine, du coup. Oh, quand même, j'espère que tu vas pas me faire ça. On verra. Si je vois de la farine et de l'eau. Je pense que tu vas changer d'avis quand je vais terminer cette anecdote. Hein. Okay. Parce que du coup, après que les filles elles soient remplies de farine, toutes mouillées, et en fait, ils dansaient ensemble. Ah non. Et attends, tu vas. Écoute la suite. Ils dansaient ensemble et ça créait même des couples à la fin de la soirée. Effectivement. Du coup. Du coup, je pense que ça t'intéresse moins. Je sais pas. Et du coup, en plus, le truc de dingue, c'est que les filles allaient exprès au marché. Elles savaient qu'elles allaient venir toutes sales, mais elles allaient exprès au marché pour finir mouillées, toutes sales, pour rencontrer aussi un beau garçon, hein. Eh ben, écoutez, on a pas tous les mêmes traditions, mais c'est des traditions très drôles et des petites anecdotes qu'il y avait avant. Et est-ce que ça se fait encore aujourd'hui? Est-ce qu'il y en a qui, parmi nous, qui nous écoutent, ont connu cette tradition et l'ont fait ou on l'ont vu? Oui, appelez-nous, dites-nous si vous aussi vous avez eu des traditions comme ma mère a vécu dans son petit village. On sait que la mère de Philippa a vécu ça. Oui, c'est vrai que ma mère m'a raconté ça ce matin, c'était hilarant, j'ai adoré, je me suis dit pourquoi pas la partager avec vous. Mais tout à fait. Écoutez, on garde une autre petite anecdote que Philippa vous a préparée pour après. Et on vous laisse finir danser le kuduro. Eh oui. Et on repart dans le monde du Brésil en 2014 avec la Coupe du Monde. Put your flags up in the sky, put them in the sky. Ain't nothing but side to side, side to side. Show the world where you're from, show where you're from. Show the world we are one, one, love, love. Toujours dans le thème de 2014 avec la musique de Shakira, La La La Blasé. Then act like you mean it. We're common. You'll have the planets become one like a drum. The scene is calling. German, Colombian, Spanish and French. Off the bench, you gotta own it. Down here we play, like we dance. It's Brazil, and now you know it. Is it true that you want? Et on continue avec une dédicace de la part de Ricardo pour la journée de la femme. Donc il soutient toutes les femmes et leur fait des bisous à tout le monde et leur souhaite une excellente journée. Et pour ça, on va écouter une musique pour le carnaval. Donc ça, là, c'est de Havana Delirio et la musique c'est Carnavalera Salsa. On écoute. Hola, bonjour, ça va? Hey, comment t'as? Que vengo, così comme ça? Hey, vacilando! Yo le traigo bien caliente que mi gente. Boom, boom, boom, boom, bata. Boom, boom, boom, boom, bata. Llegamos a bien relajado. Con este estilo bien riquito. Nosotros los cubanos. Oye, te lo repito. Con este estilo bien riquito. Y nosotros los cubanos. Cucharita, cucharón, marica, mariquita.

tá sem noção. Camarote lotado, só botando os pagadões. Eu desço champanhe, as mina piripa na cabeça. O povo de Rio, terra de beira geral. O povo ficando louco, todos desorientados. Sua mulher não vai saber que você está aqui do lado. Que do meu lado você veja sem noção. Que do meu lado você bebe tequila pura com limão. Que do meu lado dança a rocha sem parar. E quando vai embora leva duas pra pra pra. Que do meu lado você veja sem noção. Que do meu lado você bebe tequila pura com limão. Que do meu lado dança a rocha sem parar. E quando vai embora leva duas pra pra pra. Do meu lado você veja sem noção. Que do meu lado você bebe tequila pura com limão. Que do meu lado dança com a rocha sem parar. E quando vai embora leva duas pra pra pra pra. E quando vai embora leva duas pra pra pra pra pra pra pra. Ei, eu só bota a mão pra cima e faz barulho. Vão gostar da nova dança, todos vão cantar esta canção. Vamos começar neste balanço, ninguém vai parar neste bailão. Hoje vai haver festa até o amanhecer. Agora só nos resta Capanegra, qui seront là ce soir pour notre soirée Paella, donc la soirée pour tous, la soirée aussi de la femme, la soirée dansante qu'on vous a préparée du coup à l'espace Radio Arc-en-Ciel au 266 rue Faubourg-Bagnier. Et oui, ça a été complet très très vite. Et on est très content que vous ayez réagi aussi vite. Tout à fait, on a hâte de vous retrouver ce soir. Pour ceux qui seront présents, petit récapitulatif de ce que vous allez avoir. Donc, un verre de l'amitié qui vous attend, avec une planche gourmande, une bonne paella, un trio de fromage, un dessert, un café ou thé. Donc, c'est ce soir, le 8 mars, à 19h. Le chef a dit. Comme... Et pas de retard. Et pas de retard. Et donc Capanegra sera là donc en acoustique pour vous préparer un show exceptionnel. Et nous serons là aussi. Et oui, pour vous animer dans votre petite soirée et aussi Capanegra qui va donner de la bonne musique. Voilà, donc on sera vraiment tous là, l'équipe Radio Arc-en-Ciel, les bénévoles, les membres du conseil, tout le monde sera là ce soir. Pour donc passer un excellent moment ensemble. Et on est déjà tous là pour préparer ce bel événement. Tout à fait. Donc on a hâte de vous retrouver ce soir et on vous laisse sans musique. Très très hâte. Vendo a hora morrer, não posso me acabar na mão. Seu sangue é de barata, a boca é de vampiro. Um dia eu lhe tiro de vez o meu coração. Aí já não lhe quero, amor.

Et oui, c'est un autre tour de parler. Donc on va parler un peu du carnaval encore. Et après, on va faire gagner notre petit jeu concours qu'on vous prépare pour la journée de la femme. Donc soyez à l'écoute. Une très très belle surprise. Hein. Tout à fait. Du coup, on continue avec ta deuxième anecdote. C'est ça. Alors pour ma deuxième anecdote, toujours grâce à ma mère qui m'a raconté ça ce matin. Alors en fait, c'est le bal du carnaval, mais avant. À l'ancienne, quand mes parents habitaient encore du coup au Portugal et qu'ils étaient jeunes, ils m'ont raconté qu'ils organisaient un bal de carnaval où les organisateurs faisaient ça dans des salles. Et du coup, tout le monde devait venir avec un masque ou un costume ou voilà, quelque chose qui représente le carnaval. Et celui qui était élu le meilleur costume carnaval pouvait choisir parmi toute la salle la personne la plus belle à ses yeux. Oh. Et oui. Et en fait, après, du coup, la personne qui a été choisie, elle était obligée de faire la danse du carnaval avec cette personne. Ok. Et du coup, bah voilà, elle raconte que c'était quand même un bal qui était super festif à chaque fois, que les gens bah faisaient tout pour choisir bah sa femme et tout pour pouvoir se mettre en couple avec plus tard. Voilà, donc en fait, ma mère m'a raconté plein de petits potins comme ça, et voilà. C'est plutôt pas mal. On aime bien, on valide. Et oui. Et donc, en tout cas, si vous avez des anecdotes à faire sur le carnaval, sur les déguisements, des coutumes qui ont été faites ou pas, on vous attend. Vous avez qu'une chose à faire, c'est de nous appeler au 02 38 43 48 00. Et soyez à l'écoute. Petit indice, on va faire gagner quelque chose de très fleuri si vous remportez plein de couleurs comme le rouge, le rose, l'orange. Donc voilà, petit indice, bon, c'est pas ça la question, mais on vous fera gagner du coup oui, un grand et magnifique bouquet de fleurs. Et oui, tout ça pour vous les femmes. Tout à fait, pour gagner la journée pour gagner une question sur la journée de la femme. Et voilà. Donc soyez à l'écoute. La question arrive très prochainement. Restez à l'écoute. Paciencia, porque Philippa, qui est actuellement parti chercher le magnifique bouquet de fleurs qui attendra pour la personne qui va gagner. Et donc la petite question que je vais poser. Donc Radio Arc-en-Ciel ainsi que donc tout le conseil d'administration offre du coup un bouquet de fleurs du coup à la gagnante, ou au gagnant qui pourra offrir à sa femme ou autre, donc pour la journée de la femme. Donc on laisse quelques musiques. Et dans quelques secondes, on pourra poser la question et donc voir qui sera l'heureux gagnant. Miami.

para ti. Mentías cuando me decías que sin mi amor no eras feliz. Mentías, tú te veías y te burlabas de mi gran amor. Mentías y yo te creía, me destrozaste el corazón. Atenção, banda! Vou botar esse povo pra dançar! Prepara aí, meu povo! Bota a mão em cima! Quem faz o que não faz, o sacode quando a banda passa. desde esa noche que nos probamos, nos dimos gusto y más nunca nos despegamos. Después de tanto tiempo, mira dónde estamos. Seguimos juntos y así nos quedamos. Porque llegaste para quedar. Danser chez vous avec la musique. On vous voit danser. Philippa est revenue avec un magnifique bouquet. Il est vraiment exceptionnel. Si je vous jure, si je pouvais vous le montrer là en direct, bah, il est magnifique. Pour qu'il puisse le regarder et pour aussi donc voir comme à quoi il ressemblait et donc la gagnante qui va arriver. Vous avez qu'à nous suivre sur nos réseaux sociaux en fait. Bah oui, parce qu'on va mettre tout ça et je vous promets que le bouquet est magnifique. Celle qui va le gagner, elle a de la chance. Du coup, je vais. Philippa, tu le gagnes comme ça, au moins. J'aimerais bien le gagner. Hein, parce qu'elle m'a dit, ouais, est-ce que tu peux m'acheter un bouquet de fleurs? Du coup, question suivante. Mais oui, en plus, j'ai été gentille, je lui ai dit, donne-moi une rose, je suis une femme, tu peux au moins me remercier d'être là tous les jours, quoi. Mais oui, mais du coup, voilà. Donc, on va faire donc gagner ce magnifique bouquet de fleurs coloré, plein de couleurs. Et donc, mais pour gagner ce magnifique bouquet de fleurs, il va falloir faire gagner, répondre à la question. À la question qu'on a préparée ensemble. Et on espère que vous serez prêts à bien y répondre. Et à côté de nous, on a donc une petite personne et qu'on lui souhaite une très belle fête. Très belle fête. Très belle fête. Bonjour les jeunes, comment ça va bien? Ça va, on est en pleine forme. Ça va super, on a plein d'énergie. Bon, vous avez mis les baskets parce qu'on en a pour pas d'heure. Ah bah ça, Philippa lui dit, alors tu mets des talons mais des baskets de côté. pour ma petite défense, c'est lui qui voulait que je mette des talons. Moi je me suis dit... La robe est longue. Très bien, très bien. Et assortie, je parie comme d'habitude. Assortie, ouais. Oui. On s'appelle, on a fait... Quelle couleur? On met quelle couleur? Bon match. Super. En tout cas, bah, merci à vous deux pour cette belle émission et cette belle initiative d'offrir effectivement un bouquet à une femme. Une femme qui nous écoute, une femme qui sera une de nos auditrices du samedi matin, que ce soit chez vous ou chez moi. C'est le samedi matin et c'est ça qui compte. Et c'est Radio Arc-en-Ciel qui offre ce cadeau de la part de l'émission avec vous. C'est votre initiative et je la trouve magnifique. Merci à vous deux pour cette belle émission que vous mettez en place le samedi matin, qui grandit petit à petit. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Pour les femmes, effectivement, oui, aujourd'hui, 8 mars, journée de la femme importante. Oui, alors importante dans le sens où il y a quelques années en arrière, une femme a mis à l'honneur les femmes. Parce qu'avant, on ne les avait pas. On n'avait pas des droits. Et c'est ça, aujourd'hui, qu'on valorise. C'est pas la femme dans la beauté. C'est pas, elle doit l'être. Elle doit l'être. Mais cette femme de valeur, cette femme qu'on doit avoir nos droits autant. Et souvent, on nous dit, ouais, tu veux les mêmes droits que nous, t'as qu'à travailler. Oui, mais avant, on ne pouvait pas le faire. Mmh. Aujourd'hui, on est maman et femme en même temps, et que parfois, ce n'est pas facile à concilier le tout, mais on a le double du boulot juste pour une loi qu'on a voulu voter. Et ça, c'est très important. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'on célèbre aujourd'hui cette journée exceptionnelle. Tout à fait. En tout cas, moi, je vous souhaite une très belle émission. On vous écoute parce qu'effectivement, moi, par contre, là, je vais donner un petit coucou aux dames qui travaillent en bas. Il y a des dames qui sont en bas et qui sont en train de travailler, de faire de très belles choses, une très belle préparation. Tout à fait. Et mettre les tables pour ce soir, parce qu'effectivement, Radio Arc-en-Ciel fête la journée des femmes et leurs accompagnants, parce qu'on n'a pas souhaité que la femme vienne toute seule, mais effectivement qu'elle soit accompagnée. Et donc, on a une très belle soirée ce soir. Et aujourd'hui, on va leur dédier la prochaine musique. Tout à fait. Qu'est-ce que vous en pensez ? Tout à fait. À tout le monde qui nous écoute, bonne fête ! Bonne fête ! Et donc, j'y retourne. Il n'y a pas de souci, à bientôt. À et bientôt. Ensuite, grâce à la phrase de Christine qui disait de quelle femme, on va poser la question avec toi. Eh ben, allez-y. Je laisse Philippa poser la question. Donc, écoutez bien, vous n'avez qu'une chose à faire, c'est répondre à la question et de téléphoner au 02 38 43 48 00. 00. Donc, question quelle femme a marqué l'histoire en défendant les droits des femmes dans les années 70? À c'est vous, Léphan. No lo trates, no. Nati Natasha. No me trates de engañar. Mr. Worldwide, that's right. Sé que tú tienes a otra. Mami. Y a mí me quieres para. Special Edition. Et oui, le cadeau a été gagné. Donc le magnifique bruit de fleurs qui est juste avec Philippa, qu'elle garde bien précieusement pour et l'instant. Et oui, il a été gagné. Vous avez été nombreux à nous appeler. Désolée pour ceux qui ont appelé après, mais ne perdez pas espoir. À un moment, on aura plein oui, de on aime cadeaux. Faire gagner des cadeaux plein, aussi. Enfin, on aime vous faire profiter, plaisir. Donc voilà. Donc voilà, mais en tout cas, on vous remercie de toutes donc nous avoir participé et tous parce qu'il y a eu aussi un monsieur qui nous a appelé. Donc on vous remercie pour vos appels. D'un côté, ça nous soutient nous. On se dit que du coup, vous êtes là avec nous la matinée, ça nous réconforte aussi. Donc c'est un beau cadeau qu'on fait pour vous, mais on est aussi content d'avoir des appels. Oui, on est très content. Franchement, n'hésitez pas à nous appeler parce qu'on se dit il y a des gens qui nous écoutent et on aime ça. On aime vous faire profiter. Si on pourrait vous amener tous ici et faire partager avec nous, on serait tous là ensemble. Ah bah oui. Mais bon, en tout cas, on vous remercie et on applaudit et on félicite du coup Madame Maria Arminda Bravo. Je ne sais pas si je l'ai très bien dit, si, mais normalement oui. En tout cas, on la remercie et elle viendra du coup dans les studios de Radio Arc-en-Ciel pour récupérer son magnifique bouquet de fleurs. J'ai bégayé. Et du coup, n'hésitez pas à regarder sur nos réseaux sociaux le magnifique bouquet et aussi une photo qu'on fera avec la gagnante. Et oui, on postera ça tout à l'heure, donc n'hésitez pas à vous abonner avec vous. Avec -vous-radio. Donc sur Instagram et sur Facebook, mais aussi sur les pages de Radio Arc-en-Ciel. Sur Radio Arc-en-Ciel, nous avons deux pages, donc n'hésitez pas à regarder les deux. Donc c'est Radio Arc-en-Ciel. Tout simplement. Sur Instagram aussi, @arc-en-ciel-radio. Donc, n'hésitez pas à regarder sur nos réseaux. Vraiment, nous soutenir sur les réseaux, ça peut engendrer rien, mais un like juste, du coup, s'abonner à nous, ça nous réconforte et ça nous félicite de ouf. Oui. Mais du coup, on parlera un peu des réseaux tout à l'heure parce que, oui, on a quelques nouvelles à vous annoncer et pour ceux qui l'ont vu sur nos posts, on est content. Oui, on est très content. Mais on va en parler aussi à la radio tout à l'heure. Donc on vous remercie et on continue en musique dans le thème du Brésil, du carnaval avec Vagabundo. Pásate la borrachera, na na na na, tatuarte la Biblia entera, no te va a ayudar, olvidarte de un amor que no se va a acabar. Puedo estar con todo el mundo, na na na na, darme las de vagabundo, na na na na na, y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar, tú dejaste ese vacío que nadie va a llenar. Y si tú la ves, tú la ves, que yo sigo soltero, que me hago el que la quería y en verdad todavía la quiero. Te sueño en la noche y te pienso todo el día, aunque pase un año no te olvidaría. Tu boca rosada por tomar sangría, vive en mi mente y no pa' esta día. Ey, sana que sana, hoy voy a beber lo que me dé la gana. Dijiste que quedáramos como amigos, entonces veníamos un beso de pana y esperando el fin de semana, na, pa' ver si te veo, pero na, na, na, ven y amanecemos una vez más. Como aquella noche en puedes semana. Salir con cualquiera, na, na, na, na, pasarte la borrachera, na, na, na, na, na, tatuarte la Biblia entera, no te va a ayudar. Olvídate de un amor que no se va a acabar. Así bronceadita de ese color, no bailes así que me da calor. Tú pega más duro que el reggaetón, se te nota el gimnasio cuando lo haces despacio. Sé que no soy tu novio, pero te quiero obvio. Ay, ay, ay, ay, muchacha, aunque pase el tiempo, todavía me dominan esos movimientos. Ay, ay, ay, ay, mi cielo, el amor duele y cuando está doliendo. Puedes salir con cualquiera, na na na na, pasarte la borrachera, na na na na, tatuarte la Biblia entera no te va a ayudar, olvidarte de un amor que no se va a acabar. Puedo estar con todo el mundo, na na na na, darme las de vagabundo.

Gustavo Lima e você. Gustavo Lima e você. Gustavo Lima. Quem gostou, joga a mão pra cima e balança. Assim, ó. Para, para, para. Bere, bere, bere. Para, para, para. Bere, bere, bere, bere. Para, para, para. Bere, bere, bere. Yo traigo en la boca lo que siempre busca usted. E só vai dar eu e você pra gente então fazer assim, ó. Bara, bara, bara. Bere, bere, bere. Bara, bara, bara. Bere, bere, bere, bere. Bara, bara, bara. Bere, bere, bere. Eu traigo en la boca lo que siempre busca usted. Cantando comigo mais ou menos assim. Lilé Alex. Para, para, para. Para, para, para. Yeah. Só vocês, vai. Para, para, para. Para, para, para. Olha como dice. Assim, ó. Para, para, para. Bere, bere, bere. Para, para, para. Bere, bere, bere, bere. Para, para, para. Bere, bere, bere. Yo traigo agora o coro vai comer. Atenção, banda. Vou botar esse povo pra dançar. Prepara aí, meu povo. Bota a mão lá em cima. Et oui, oui, toujours dans les musiques brésiliennes pour notre émission spéciale Carnaval. Par rapport au Carnaval, on va mettre des petites musiques pour aider tout le monde bah, chez eux, chez soi, à danser, s'amuser dans les préparatifs. Comme en bas. En bas, on est dans les préparatifs, donc je mets une musique pour vous ambiancer. Cavalinho. Desceu, ela quer montar em cima de mim. Tá pensando que eu sou seu cavalinho? Eu vou dizendo assim, vai. Ou vai no cavalinho, vai, vai, vai. Ou vai no cavalinho, vai, vai. Ou vai no cavalinho, vai, vai, vai. Olha o papo que vem, vem. Olha totó, totó, totó, totó. Ela segura a gatinha, senão vai sair do galope. As novinha, vem de ré, vem de ré, vem de ré, vem de ré, vem de ré. Ou vai no cavalinho, vai, vai. Ou vai no cavalinho, vai, vai, vai. Vai na maldade. E na palmadinha, na

woke up in New York City in a funky cheap hotel. She took my heart and she took my money. She wants to slip me a sleeping pill. She never drinks the water, makes you order fresh champagne. Petit samba do Brasil. Eh oui, pour bien danser et s'amuser. Tout à fait. Alors, on voulait juste vous parler avant donc de faire. Il y a une dernière dédicace et après on vous dira. Ciao, ciao. Mais du coup, on voulait vous parler donc, oui, par rapport à nos réseaux sociaux. On a lancé un tout nouveau concept. Eh oui, un tout nouveau concept pour vous, pour que vous nous suiviez dans nos nouvelles aventures. Tout à fait. Et donc nous suivre dans nos aventures sur nos réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram. Vous pouvez aussi nous suivre à titre personnel, Mathis, ouais, et Philippa. Et donc je vais Philippa expliquer quel est le nouveau concept. Une fois par semaine, on postera une thématique de notre choix ou de vos envies ou de vos idées. Par exemple, après la soirée, on va sortir une petite vidéo du coup de la soirée qu'il y a eu Paella et Capanegra. C'est une thématique, mais ça peut être tout autre chose. Par exemple, notre vie au quotidien, comment on organise nos petits événements, quels sont les préparatifs. En fait, pour que vous nous suiviez de plus près et qu'on puisse vous apporter plus de contenu. Tout à fait. Et du coup, on va faire des petits sondages des fois par semaine. Vous laissez le libre choix de nous proposer des thèmes. Donc, quel sujet vous voulez parler? Peut-être une cuisine portugaise, un repas ou une des traditions, n'importe vraiment quel, n'importe quel thème. Mais on va être actif dans notre émission de radio. Donc, on va en parler. Mais aussi sur nos réseaux sociaux, donc pour vous montrer des petits vlogs. Donc, on en a fait un. Je vous laisse nous suivre sur Instagram et Facebook sur avec-vous-radio. Philippa fait le petit montage donc avec nous, donc d'une petite journée qu'on a préparée, de même plusieurs jours plutôt. Oui. Qu'on s'est filmé au quotidien, on a parlé, on a fait nos petites voix. Donc c'est un petit travail, mais du coup pour nous aider, pour nous encourager, on aimerait bien de votre côté. Oui. Parce que ça prend du temps, c'est de l'engagement, c'est de l'investissement, et on fait tout ça pour vous, pour nous aussi, pour qu'on s'amuse, pour que vous profitiez avec nous. C'est pour vous, mais aussi pour nous. Et en fait, un petit like ou même un petit abonnement, je vous jure, comment ça nous fait plaisir. Et pour cela, en fait, on vous fera vivre nos petites aventures au quotidien. Voilà, et que même nous demander des petits thèmes sur Instagram ou autre, on accepte et on est là pour en parler. Tout simplement, même si c'est quelque chose que vous, par exemple, des informations, vous voulez savoir des choses, et c'est tout à fait possible. Tout à fait. Et du coup, on vous laisse vous joindre sur nos réseaux sociaux. Et donc, en parlant d'actualité qui va sortir, qu'est-ce qui va sortir prochainement, Philippa? notre fameuse interview que l'on a fait avec le Mister Centre-Val de Loire. Tout à fait, notre musique avec Benjamin, donc le Mister France Centre-Val de Loire, va sortir. Alors, on avait prévu pour aujourd'hui, mais au vu de la soirée, on a préféré que vous soyez tous prêts pour l'avoir demain. Et oui, demain sur vos réseaux sociaux, vous aurez le droit à la vidéo en direct, cette interview en direct sur avec vous. Tout à fait. Donc on va vous laisser donc nous joindre sur nos réseaux et vous pourrez découvrir en entièrement donc l'interview. Mais on a fait des petites posts avec des photos souvenirs de cet événement, un petit réel musical qu'on a fait aussi. Et qui vous a plu, on l'a vu. Donc voilà, qu'une seule chose à faire, c'est nous suivre et suivre principalement aussi Radio Arc-en-Ciel. Sur tous ces postes, tous ces projets, comme la soirée aujourd'hui, la soirée Paella qu'on organise et que tout le monde est en place aujourd'hui en bas, tout le monde se démène pour y mettre que de la joie et de la bonne humeur. Et tout ça pour que vous profitez avec nous. Voilà, tout à fait. Donc moi, j'encourage et je remercie pour toutes les personnes qui sont en bas actuellement. Donc et voilà. Oui, on les remercie très fort. Tout à fait. Et par rapport à ça, on a eu une petite dédicace, donc j'ai fait le petit lien avec ta maman. Oui, qui nous a appelé donc pour faire une dernière petite dédicace pour toutes les femmes, donc pour la journée de la femme, elle les applaudit tous, elle les encourage, elle nous encourage tous, elle vous fait donc grande force, girl power, comme vous dire. Et donc elle encourage et elle remercie toutes les femmes, bien sûr tout le monde, mais toutes les femmes qui sont en bas aujourd'hui pour faire un travail. Donc on vous applaudit, mesdames qui sont toutes en bas aussi, en train de se démener. Et pour ça, on va écouter la musique de Michael Ferreira. Sur toutes les femmes. On écoute. Yeah. vous entendez cette musique, ça veut dire quoi? Que c'est la fin de notre émission. Que c'est la fin, malheureusement. Mais on était très contents d'être là ce matin avec vous, de vous avoir fait gagner ce magnifique bouquet de fleurs qui a été gagné. On remercie encore la gagnante. Maria Arminda, bravo. Merci à tous d'avoir appelé, de nous avoir écoutés ce matin. Merci à tous d'être là chaque matin. Des auditeurs fidèles de la radio Arc-en-Ciel, car oui, on a besoin de vous aussi. Oui. Et donc, je te laisse, parce que tu voulais faire remercier quelqu'un aussi au passage. Oui, je voulais remercier ma maman pour cette belle musique qui vient de passer. Je lui fais de gros bisous et je vous fais tous de gros bisous de nous avoir appelés ce matin. Voilà, donc on remercie encore toutes les femmes d'aujourd'hui. On vous souhaite une très belle fête. Et on remercie tous les gens qui sont aussi en bas et qui viendront ce soir. Tout à fait, on remercie tout le monde, on remercie à la Radio Conseil de proposer aussi des soirées comme ça. Et on vous dit tous, pour ceux qui viennent ce soir, à ce soir. Oui, à ce soir. Et sinon, on se retrouve sur nos réseaux sociaux. Et oui, on compte sur vous pour nous retrouver. Et sinon, dans deux semaines, parce que la semaine prochaine, ce sera Christine qui sera du coup à l'antenne. Qui fera une très bonne émission. Très bonne émission. On encourage déjà avant. Oui, on l'encourage. Et juste après cette musique-là, donc notre musique de fin, une dédicace qui a été faite de la part de Jérôme pour sa maman. Pour Mathis. Pour Philippa. Et pour tout le monde qui est là aujourd'hui et nous fait des bisous et on l'embrasse aussi très fort. On l'embrasse. Et du coup, la musique sera dans sa coup de l'eau pour vous faire danser. Bon, allez, on vous dit ciao, ciao. Ciao, ciao.